parle des bâtards. C'est pour MC. Teste sur tout. Il faut blatter Star Prod pour tout cramer sur scène. Ma plume saine, ulcère, lyrical de mental luxène. Texte et instrumental de qualité. C'est la patate, Bagdad, mentalité. C'est la merde à son patate, Bagdad en guise d'intro. Insta prodige, première piste, sec c'est du peu pro. Mon flow se déguise, t'attrapes à la jogore. Vie dehors, trop gore pour mes rap 12 et mes niggis. On t'attendra, ce que les ghettoïdes nous soutiennent. On est l'avenir du rap, souhaite-nous une carrière à la cool chaîne. Ça sort du quartier, c'est du bon son. C'était Seco MC dans l'exercice de ses fonctions. C'est le son des blocs, des tours et des bars. Man, le son qui te pète la gueule, pire que dans les bars. Man, n'est pas le seum à travers son, je ressens ton dégoût. Luxen, Baba, Sissi, sur une prod de ses coups. Trop speed, trop clean, trop lourd. Mais t'as de voir après quoi on court. On est trop speed, trop clean, trop lourd. Une puissance dans tes oreilles qui rend fou. Trop speed, trop clean, trop lourd. Combinaison explosive qui rend sous. Trop speed, trop clean, trop lourd. 7, 7, 9, 4, c'est le pacte des ouf. Tu me connais pas, mais j'arrive lourd. Fat, faire un tabac. Comme les frères Sidi Larson et Baba. Déporter porte, foncer pute de truite. Déporter nos parents, ensuite on ferait du mal à autrui. Comme beaucoup, élevé sous le seuil de pauvreté. Mal aimé, nous qu'on moque pas talarémé. Trop speed, trop lourd, des fourrailles prépare la civière. Le son te fait mal comme un savate de Farid Kider. R.O.S, bar 10, M.A.D sur les stacks. Buzz la triade, c'est du lourd, viens saigner les jacks. R.O.S, bar 10, M.A.D sur les stacks. Buzz la triade, c'est du lourd, viens saigner les jacks. Trop speed, trop clean, trop lourd. Ne te demande pas après quoi on court. On est trop speed, trop clean, trop lourd. Une puissance dans tes oreilles qui rend fou. Trop speed, trop clean, trop lourd. Combinaison explosive qui rend sous. Trop speed, trop clean, trop lourd. On est 3, 9, 4, c'est le pack de bébé. Ok, j'annonce ma couleur. J'ai mon texte dans la couleur. Pull up, pull up, avis à tous mes serial dealers. C'est l'album au bomb. Une bande de gaz pour mes bonhommes au Starvis de Patignon. Hors 10, heure 10, heure 10, c'est l'heure du crime. L'heure du bif, j'ai l'œil du tigre. Aïe, gauche, droite, gauche, que des os comme un Pujimbo. T'es bon, mais t'as pas les épaules, et Quincy Jones. Authentique comme Africa, Bambata. Paname part en live, ça sent la banane à pleine patate. Juste l'intro, laisse-moi taper un gros. J'rêve de crever l'écran, mais dans mon ghetto on est trop. J'suis trop speed, trop clean, trop lourd. Arrête MC avec tes fausses panneaux. Trop speed, trop clean, trop lourd. 9, 4, 9, 3, 7, 7, ça c'est pour mon crew. Trop speed, trop clean, trop lourd. Ne te demande pas après quoi on court. On est trop speed, trop clean, trop lourd. Une puissance dans tes oreilles qui rend fou. Trop speed, trop clean, trop lourd. Combinaison explosive qui rend sous. Trop speed, trop clean, trop lourd. 9, 3, 9, 4, c'est le pack de des ouf. Trop speed, trop clean, trop lourd. Ne te demande pas après quoi on court.